Académie Fadjet, avec ce soir. Agathe. Agathe, bonjour. Oui. Bonsoir plutôt, puisqu'à 19h, on dit bonsoir. Bonsoir. Agathe, eh bien, vous la connaissez, Agathe, puisqu'elle est animatrice de Radio Fadjet. Elle anime Wild Girl. Ouais, c'est ça. C'est les lundis soir. À 21h, je vois que tu connais ton sujet. Voilà, elle est avec nous. Merci d'avoir répondu présent pour cette première de l'Académie Fadjet. Merci. À côté, il y a Mike. Bonsoir, Mike. Bonsoir, Benoît. Bonsoir à tout le monde. Bah, Mike. Oui. Mike, lui, c'est la musique dans le temps. Mercredi, 19h20. Mercredi, 19h20. 20h. Mike est là depuis une bonne dizaine d'années. Exactement, déjà. Hein, ça passe, voilà. Hein, on commence à bien connaître. Dans quelques instants, il y aura un autre partenaire dans cette équipe, c'est Fred qui va arriver dans quelques instants. Le quatrième membre de l'équipe, c'est peut-être le plus jeune finalement. Pas dans l'âge. Mais il n'est pas là depuis très très longtemps, c'est Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Benoît, bonsoir Agathe et bonsoir Mike. Sylvain, chroniqueur et co-animateur dans Destination Série. L'excellente émission de Destination Série avec Laurent, à qui on fait un petit coucou s'il nous écoute. N'oublie pas, coucou Benoît. Coucou à Benoît et coucou à Laurent, naturellement. Voilà. Benoît, il est là. Fais du coucou tout de suite. Fais-lui un signe. Ça fait un point. Allez, en attendant, Fred, je vais vous expliquer ce qui va vous attendre tous les vendredis soirs jusqu'au 18 décembre 2025. Bienvenue dans l'Académie Fadjet spéciale, 40e anniversaire dans la tradition des grands jeux de l'Académie pour les 40 ans de Radio Fadjet, direction la 40e marche. 40 minutes pour atteindre la 40e marche. Et pour atteindre cette 40e marche, c'est facile. Il suffit de répondre à des questions. 6 catégories vont rendre hommage de près ou de loin à notre station. Des questions sur la solidarité, parce que Fadjet est un projet solidaire. Alors on pourra retrouver des grands projets de la maison ou des actions de solidarité à travers le monde. Des questions insertion, parce que Fadjet a la mission de venir en aide à un public en difficulté et particulièrement aux jeunes. Ces questions peuvent évoquer des temps forts vécus ici ou des actes plus généraux en lien avec le sujet. Des questions émissions, bien sûr, parce que Fadjet, c'est plusieurs centaines d'émissions depuis 40 ans. On s'amusera donc à les reconnaître. Des questions cuisine. Vous allez me dire, pourquoi des questions cuisine? Eh bien, parce que Fadjet, c'est aussi un lieu de convivialité qui passe par sa cuisine. Ses repas passés ou présents. Alors, cette catégorie abordera des questions générales liées à la cuisine. Évidemment, des questions musique, parce que Fadjet, c'est évidemment des heures et des heures de musique de tous styles et de tous les genres. Et enfin, des questions culture, parce que Fadjet, c'est aussi des partenariats avec des grands événements, Jardin de Michel, NJP. Alors, on abordera dans cette catégorie la culture au sens large. Pour atteindre la 40e marche, l'équipe tire au sort une catégorie. À minima, une de chaque, mais peut choisir le nombre de marches à gravir entre des questions à 1, 3, 5 et 10 marches. Arrivée à la 40e marche, l'équipe entonnera la chanson finale dans une liste définie, comme le veut la tradition de l'Académie Fadjet, parce que l'Académie Fadjet, il y a 20 ans, ouais, il y a plus d'une vingtaine d'années, je l'animais déjà, et ça se terminait toujours par une chanson. Donc on verra si vous atteindrez la 40e marche et si vous chanterez. On a chanté à vous proposer du Charles Doré, du Miley Cyrus, du Shine, du nouveau, du Yoshi, au hasard, c'est pas au programme, du Gims, ou la chanson de Fadjet, notre radio demain, que l'on a chanté au mois de février dernier, tous ensemble ici, lors de la première étape des 40 ans. Voilà, vous avez compris ? Oui. C'est bon ? On dit bonjour à Fred qui vient nous trouver. Excusez-moi, je suis en retard. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Fred, on ne le présente plus. Fred, c'est quoi ? 20 années de multitube ? C'est 24 ans de multitube. 24 ans de multitube. Voilà, oui. Le samedi matin, le rendez-vous indétrônable de votre samedi matin. Avec Fred et ses miss. Parce que oui. Depuis quelques années. C'est très radiophonique ça. Depuis quelques années, quand on parle de Fred, eh bien, on associe souvent Fred aux miss. Et c'est vrai qu'il en a combien ? Tu sais combien de miss se sont passées dans Multitude? Alors, comme je savais que tu allais me poser la question. Oui. Je gagne 10 points si je réponds. J'ai reçu exactement 92. Wow. Ah, mais vraiment, 92. Miss, c'est vrai. 92. Sans parler uniquement de la délégation Miss Lorraine, bien sûr, 92, oui. Vraiment. Alors, je le dis tout doucement parce que je voudrais pas effrayer la direction. Mais 92. Et j'arrête à 92. On a du mal à croire. Oui, imagine. Avec les différents comités, ça fait 92. Et en même temps, on se rassure. Une petite soirée avec les 92 Miss et Fred, ça pourrait être assez sympa. Hein, une académie avec toutes les Miss. Tu peux faire une émission uniquement avec les Miss. Oui, ça pourrait être sympa également. Ouais. Et écoute, si elles veulent venir, je les invite avec plaisir. Allez, voilà, vous avez compris le principe. Vous avez 40 minutes. Le compteur commence à 19h10 précise. En attendant, une première chanson. Et pourquoi je vous passe cette chanson? Eh bien, parce que c'est l'autre chanson qui va que je veux faire chanter pour les 40 ans. C'est une chanson un peu plus triste, un peu plus mélancolique. La première chanson sur les 40 ans, c'était la chanson tirée des Enfoirés, notre radio demain. Oui. C'était le côté musique, le côté festif. Celle-là, écoutez bien les paroles, c'est aussi quelque chose qui est en lien avec le renouveau, l'insertion, la chance que l'on peut donner aux autres. Et c'est Mpokora qui la chante et ça s'appelle En haut des marches. Vous comprenez maintenant pourquoi de cette chanson est née les marches, la 40e marche. Et voilà comment les jeux naissent dans mon esprit torturé. J'ai une pensée à ma femme qui m'écoute, qui se prénomme Delphine, et dans les années 2000, parce que j'aimais ma femme, j'avais créé un jeu qui s'appelait le Delphinium. Voilà. C'est vrai que je me souviens de l'Académie Fadjet avec Delphine. Eh oui, c'était Delphine qui remplaçait Sue Hélène à l'époque. Pour la radio, on parle, bien sûr. Oui, bien sûr. On va pas tout mélanger non plus. Jean-Luc. Et là, j'ai aussi pris, parce que Benoît, il était à la technique, et j'ai pris sa place technique. Ça me perturbe. Exactement. Allez, on écoute Mpokora En haut des marches, et après, on commence à jouer. Très bien. C'est parti. Qu'on retourne à la poussière et que rien ne dure pour longtemps. Est-ce que tu m'aimeras comme hier? Tout en haut des marches t'attends. M'aimeras-tu si je redescends? Je veux pas qu'on brûle t'es mon pays. On ne grandit plus, on vieillit. Ensemble, si l'amour est vrai, il ne change pas. Si le cœur est grand, il se venge pas. Toujours auprès de toi, mon ange. Faut qu'on apprenne à reconstruire chaque bout de sa peau. Savoir se pardonner ou partir avant de noir sur le tableau. En haut des marches. Nos squelettes danseront dans les tombes. Les hauts, les bas, on s'y habitue. Tu mérites rien d'autre que le monde. Arrête le temps et les secondes. Merci d'être là quand ça brille plus. En bas des marches, est-ce que tu m'aimes? Tu maquilles si bien tes blessures. Puisque l'erreur est humaine, se faire du mal est si facile. Se pardonner est le plus dur. Faut qu'on apprenne à reconstruire chaque bout de sa peau. Savoir se pardonner ou partir avant de noir sur le tableau. En haut des marches, y a la lumière. T'es resté là dans la galère. On s'envole ensemble. On s'envole ensemble, on s'envole ensemble, on s'envole ensemble. s'effondre ensemble, on s'envole ensemble, on s'effondre ensemble, on s'envole ensemble, on s'effondre ensemble. Même dans les cendres et la poussière, immortel comme deux monuments. L'Académie Fadjet. Voilà, c'était M. Pokora en haut des marches. Eh bien, nous allons essayer d'aller en haut des marches, d'atteindre la 40e marche avec notre première équipe. J'ai juste une dans question. L'Académie Fadjet. Benoît, oui, Fred. Pardon. On est bien d'accord, ce soir, nous essuyons les plâtres. Oui. Bien. Est-ce que parce que nous essuyons les plâtres, est-ce que nous pouvons démarrer déjà le compteur avec 10 ou 20 points d'avance? Non. Juste pour qu'on se... Non, parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'aller en finale. Parce que les autres vont passer derrière nous. On va aller en finale. On va aller. Bon. Alors, il est déjà 19h10, passé de quelques minutes. On va commencer sur le temps, là, déjà. À 19h11. Donc, attention. Alors, déjà, le nom de votre équipe avant de commencer. Ah. Alors, le nom de l'équipe, nous avons tous choisi. Oui. Prêt à décider. L'équipe One. On n'a pas du tout décidé ça. The One. Agathe, non, une idée, Agathe. Mais c'est bien. Oui, c'est bien. Ouais. L'équipe One. Très bien, The One. The One. The One Forever. Ah oui, c'est noté. Bien ça, The One Forever, voilà. C'est pas mal. The One Forever. Oui, allez, The One Forever, c'est plus joli. C'est un peu moins sec que The One. Oui, oui, c'est The One Forever. Numéro 1 toujours. Ouais. Voilà, c'est ça, merci, j'allais dire, que l'on traduit par les premiers toujours. Exactement. Jamais, à jamais les premiers. Voilà. Oui. À jamais les premiers. Bon. À rester jusqu'au bout, chers amis. Là. Allez, attention, on commence à 19h12, précise. Ouais. Je tends mes cartes. Attention. Il est 19h12. Nous jouons jusqu'à 19h52. C'est précis. Hein. C'est parti, l'Académie Fadjet. C'est parti. Allez, hop, je tends la main à Agathe, c'est très radiophonique, qui tient une carte et qui a choisi une catégorie... Musique. Une catégorie musique. Ah, c'est un peu le point fort de l'équipe, je crois. Je rappelle le principe, voilà, Agathe a tiré. Question musique. Une question musique. Oh là là, il y a des moyens. Bravo pour les jingles. La question musique. Donc, vous devez choisir le nombre de points. Je ne connais pas la question. Hein. Je n'ai pas encore regardé. Je les ai faites, mais je ne sais pas dans quelle ordre elles sont. Moi, j'ai une idée. On est bien d'accord que si on prend 10 points, on ne peut plus reprendre 10 points derrière. Voilà, c'est bon. Moi, je pense que là, on est. Parce que, quand même, on ne va pas se mentir. On est quand même. Là, on est un vrai moteur diesel. Et puis, on ne va pas le prendre en cuisine. Mais je suis sûr que si on prend 10 points tout de suite. Je veux dire, après, laisse tomber. On va se prendre un mur en 5e et on klaxonne. Donc, ce n'est pas la peine. Le mieux, 5. On commence modérément. 5, 3 ou 5. Moi, je prendrais 3. Ouais, 3. Bah, 3, on va pas de gourmand. 3, ouais. C'est bien, c'est le démarrage. Alors, je prends une carte musique. Attention. Et c'est pour 3 points. Nous jouons pour 3 points. Attention. Et nous allons à la musique 17. Je regarde, parce qu'il y a des codes entre nous. Voilà, je vais regarder. 17. Qui chante. Vous allez donc devoir reconnaître un artiste. On écoute. Alors, c'est pas de la rapidité, c'est de la cohésion entre nous. Hein. On est d'accord. Oui, on est d'accord. C'est Agathe qui valide. Agathe qui valide la réponse à la fin. Voilà, vous écoutez. Il n'y a pas. Voilà, c'est pas. Et donc, ça dure une minute, vous avez le temps. Hein, voilà. Shine. Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous t'amuser. On la joue qu'un peu sur un air. Oh, c'est trop fort. Laisse tomber tes problèmes. On la connaît, la chanson. Alors, il y a Collectif Métissé qui l'ont chanté. Ouais. Et il y a ceux que j'ai proposé la semaine dernière. Et tu sais plus le nom. C'est moche. Allez, écoutez les gars, bravo, on démarre bien, heureusement que c'est 3 points. J'ai passé la chanson la semaine dernière. Ça, c'est bien, ça. Et j'ai adoré. Mais oui, j'ai adoré cette chanson. Parce que tu as Collectif Métissé qui ont chanté cette version-là. J'ai écouté l'émission et je m'en souviens pas non plus. Ah si, c'est horrible. Et c'est quand même gros. Non, là. C'est terrible. T'as passé ça il y a moins d'une semaine. Il y a un paquet de questions, c'est la seule question. Et on commence par celle-là, c'est très fort. Que t'as passé la semaine dernière. Non mais en plus, excusez-moi, j'en ai parlé tout à l'heure sur une émission précédente. J'ai parlé de cette chanson-là. Et ce soir, pour la première question de l'Académie Fadjet, c'est la question-là, j'ai pas la réponse. La question de la c'est honte. Énorme. C'est embarrassant, tu veux que je repasse, peut-être. Oui, parce que là, oui, c'est... S'il te plaît. Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous t'amuser. On la joue carpe diem sur un air ensoleillé. laisse tomber tes problèmes. Et Mike, attention Mike, il est en train de chasaner ou je ne sais quoi. Ça fait moins 10 points là. Attention hein. Là. Hein. Non, on triche pas dans cette émission. Fred. Là, on peut rien pour toi, Fred, désolé. Et les autres, vous êtes quatre, hein? Bah, non, moi, j'ai jamais entendu cette chanson de ma vie. Moi, je connaissais juste la version de Collectif Petit. Et c'est pas les voix, ça... Non, mais c'est incroyable. J'adore cette chanson. Oui, oui. Moi, en plus, j'étais en soirée, je l'ai chasamé et je l'ai écouté toute la semaine pour la proposer aux auditeurs la semaine dernière. Je l'ai écouté toute la semaine. On a pas le titre. Je n'ai pas l'occasion de la passer réponse. Là parce qu'on va passer l'émission dessus. Oui. C'est peut-être pas nécessaire. Alors, c'est bien parce que comme ça, moi, je garde mes questions. Donc, et alors, vous n'aurez pas la réponse. On n'a pas, pas la réponse. On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Alors, non, mais alors, ça serait pas mal qu'on donne au moins la réponse aux auditeurs. Peut-être. Attends, faut qu'on donne un truc, même si c'est faux. Même si c'est faux. Allez, on dit collectif métissé. Allez, c'est faux. Ça. Allez, on dit ça. Mais moi, je la valide. Parce que tu sais que tu ne l'as pas dit. Tu n'as pas dit le titre samedi. Non, c'est vrai. Tu ne l'as pas dit. Laisse tomber les problèmes. Tu ne l'as pas dit. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. J'ai chasamé. Oui. Et moi, je suis tombé sur Collectif Métissé. Oui, c'est ça. Version remix. Donc, je vois pas, je sais pas ce que tu. Je suis assez surpris. C'est bon? On a le point? Oui. On n'a pas pris 10 points. C'est génial. On a quelle tactique? 10 points. Parce que, en fait, que je vous dise. C'est un remix, mais c'est toujours Collectif Métissé. Non, non. Avec quelqu'un qui chante Sing Alléluia, c'est. Mais. Alors. Il est quand même chasamé Collectif Métissé. La version que j'ai diffusée samedi dernier. C'est celle-là, hein. C'est pas Collectif Métissé qui la chante. En fait, tu perds 3 points. C'était vachement stratégique, là, ce coup-là. C'est Matt Officiel qui a retravaillé la chanson et effectivement qui l'a propulsé avec une rythmique différente. On parle d'un remix. Mais là. C'est un remix, mais c'est le chanteur qui chante. Je suis d'accord, c'est Collectif Métissé. Donc on a 3 points. Hein, 3 points. Est-ce qu'on peut revoir les 10 points, en fait? Est-ce que non, il y a pas possibilité? Ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a une question. Oui. Que j'ai pris de sur l'émission. Parce qu'en plus, hors antenne, je disais. Long, cette émission. Je disais à Fred, l'émission la semaine dernière, j'avais pas trop de trucs à prendre, j'avais pas quoi. Et puis, je me suis dit, je vais prendre ça parce que j'adorais la chanson. J'ai dit, je vais prendre. Et c'était samedi dernier, si vous écoutiez Fadjet. Il y a une semaine, vers 9h15, en début d'émission, pour mettre de l'ambiance. Exactement. Et il y avait effectivement. D'ailleurs, il y a le podcast encore disponible jusqu'à demain matin. Et voilà, si vous voulez réécouter Collectif Métissé en entier. Voilà. Eh bien, vous pouvez écouter la chanson de Fred jusqu'à demain matin à 9h. C'est ça. Voilà. Parce qu'après, elle sera écrasée par la nouvelle émission. Celle de demain. Voilà. Donc, 3 points. Ouais. 3 points. Bon. 3 points. Bon. Oh, on est déjà loin, là. Bravo. Oh. 3 points. T'as pas fait extrait, mais bravo quand même. Je tiens juste à dire à ceux qui vont nous succéder sur les semaines à venir. Ils n'entendent pas les mêmes questions que nous. Non. On va les prévenir. Soyez forts, les gars. On nous appelle les durs à la radio. On aurait dû s'appeler comme The ça, one les durs. Les durs. On peut pas changer, on peut pas nous appeler les durs. Ça, moi, j'aime bien. Oui. Bon, allez, on les appelle les durs. C'est les premiers, ils ont le droit. Ah, super. Voilà, les durs, ça va, Sylvain? Les durs, je prends, moi, je suis avec les meilleurs. Si, c'est sympa, les durs. Les durs, ça va être dur, ouais. Pour eux, mais pour les autres. Ah, 3 points, ça part. C'est bien, on y va. Allez, hop. Donc là, on joue qu'avec les 5 autres catégories, parce que le but, c'est de faire au moins une catégorie, et après, on rejouera après. Allez, Sylvain. Allez, Sylvain, tire une question. Il tend celle-là, donc je vais prendre celle-là. Non, mais je ne sais pas, je ne regarde pas, donc. J'ai pris la meilleure catégorie. Pour Mike, cuisine. Ah, bah là, on peut prendre 10 points. Alors, cuisine. Ma femme, elle cuisine bien, mais pas moi. Pour combien de points? Ah, oui, c'est une bonne question. On peut l'appeler. Ah non, c'était pas ça. C'était ça. Alors, question cuisine. Est-ce que quelqu'un autour de la table est bon en cuisine? Pas du tout. Moi, sincèrement, on va peut-être prendre. Alors, oui, pardon, oui. Question cuisine, c'est pas uniquement. Des recettes. C'est pas sur. Non, je vais me perdre dans la question. C'est vaste. Oui, c'est très vaste. C'est vaste. Alors, moi, je. C'est pas Collectif Métissé. Un point. Scheim. Cuisine. L'appel à un ami. Fred, c'est pas Collectif Métissé, c'est bon. Ça, c'est fait. En même temps, à 3 points, c'était pas très dur, en fin de compte. Non. Non, mais. Là, on peut pas dire, ça dépend, c'est du hasard. Hein. Il y a des questions très simples, il y a des questions très dures. Mais. Bah, 10, c'est plus dur à 10 quand moi, même. Non. Ah, non, c'est le hasard qui va faire le reste. C'est le hasard. Alors, puisque la question là, alors, qui est ici, elle peut... Maintenant que tu veux prendre les 10 points, Fred. Non, moi, les 10 points tout de suite, non. Sur la cuisine, non. Sur le truc, t'as pas envie. Non, je resterai sur un 3 ou un 5. Sur un 3, oui. Je dirais 3. Allez, on reste 3. On reste un 3 pour essayer de faire le doublé et passer à 6. Voilà. Voici la question cuisine. Là. Attention. Quel plat a été inventé par erreur? Bon, heureusement. La tarte tatin. J'en suis pratiquement certain, 99%. Et les œufs au plat? Non, c'est la tarte tatin. Et pourquoi la tarte tatin? Parce qu'ils l'ont cuit à l'envers. Oui. Et ils l'ont servi comme ça. Et c'est resté le nom. Ok. Alors, il a l'air passionné. Je ne l'ai pas dit tout de suite pour ne pas briser l'émotion. Mais mon père était chef cuisinier. D'accord. Ah. Ça aide. Mais il faisait pas spécialement des tartes tatin, mais voilà, ça j'en suis presque certain. Alors moi je valide. Moi vous avez une meilleure idée, hein. Mais non, non, alors moi, il y avait les œufs sur le plat là aussi. Ouais, moi je crois. Alors, pardon, pourquoi tu dis les œufs sur le plat? Je crois qu'il y a une histoire de quelqu'un qui a mis ses œufs sans faire exprès quelque part. En fait, il s'est rendu compte qu'il avait cuit. Non mais je crois qu'il y avait ça. Mais la tarte tatin, je valide. Presque. Nous on va partir. Bon, alors. J'ai une bonne intuition. On valide. Bon. T'avais une bonne intuition pour collectif. Voilà, tu sais. Alors donc. Tarte tatin, on vote pour tout le monde. Tarte tatin. Oui, moi je valide. Allez, tarte tatin, on est bon. Tarte tatin, mon cher Benoît. Oh. Oui, effectivement, et Sylvain a quasiment tout dit. Que bon en Syrie, en fait. Eh, tu vois. J'aurais pas tout misé sur la cuisine, mais là, j'avais. Comme quoi, tu vois. Et alors, pour aller plus loin. Comment ils s'appelaient ces braves dames qui ont découvert la tarte tatin? La sœur tatin. Eh oui, exact. C'était les sœurs tatin qui ont fait la cuisine et comme a dit Sylvain. Donc on a encore 3 points de plus. Comme a dit Sylvain, ils ont fait tomber la tarte. Pas mal cette équipe. Et donc ils l'ont ramassée comme ils ont pu et ils l'ont remis, mais ils ne pouvaient pas la remettre à l'endroit. Et ils l'ont cuite comme ça et c'est comme ça qu'est née la tarte. Et Sylvain, je te le confirme, ma femme qui est cuisinière, elle a confirmé ta réponse. Ah, ça tombe bien, Benoît avait la réponse aussi. Ah bah voilà, tout le monde voit bien. Et comment elle a pu la confirmer, la réponse? Bah oui. Puisqu'elle écoute la radio. Oui, mais comment tu sais? Qu'il y avait la réponse. Tu échanges. Ne dis plus rien, Mike. Tu as toutes les réponses à distance. Oui, ouais, attention, le téléphone, Mike. Le téléphone. Rangez voir votre téléphone. Oui, là. Hein. Il ne faut pas toucher au téléphone. Ouais. Voilà. Hein, bon. Bref, en tout cas, ça fait 6 points. 6 points, c'est bien. 6 points. La moyenne est bonne. Super. On continue. Gardez ce rythme. Oui. Il faut aller à 40. Il faut prendre un peu d'audace maintenant. Maintenant, on est tellement sûr de nous qu'on va prendre 10 et puis là, bing. Allez. Attention, il reste quand même, il reste des catégories un peu plus dures. Allez, Mike. Oui, dis-moi. Attention. Ah, émission. Ah, oula. Attention. Émission. Alors, émission, la voici, je la prends. Question alors. Émission. Émission, on est bien d'accord, on parle des émissions de Fat Jet. Ah oui, là on est chez nous, on reste c'est chez parfait. Nous. C'est parfait. On reste chez nous. Oui. On peut, je pense, mettre le rouge là tout de suite. Ouais, là. Ah, vous tentez la question à 10 points? Oh, ça, non, si c'est pas 5, si c'est pas maintenant. On va crécher. Là, je sais pas, je n'ai pas vu. Hein, non, 5. On est un peu chez nous et puis on a un historique. Oh oui, non. On a un meuble avec nous. C'est sûr que si la question dit une émission riche en émotions le samedi matin, bon voilà, on aura la réponse. Je voudrais juste revenir sur le terme qui est employé en disant nous avons un meuble avec nous. Je voudrais bien savoir le synonyme de meuble, c'est qui en fait au final? Ah, celui qu'on a du mal à déplacer, qui est tout le temps là et on retourne autour. Bien. Alors, moi je. Oui, si, non, mais, 5, 10. 5, allez, on va tenter 5, je pense. Non 5. C'est quoi notre nom déjà? Les durs. Les durs. Alors, les durs. Les durs, on choisit. Allez, 10. 10. Allez, on y va pour 10. Mais on va pas les perdre, on les perdra pas. On les perdra pas. On va les gagner. On y va, on est là pour gagner. C'est pourquoi on va les gagner. Si on les perd, je change. Parce qu'on est les durs. Non. Vous êtes sûr? Les durs, à la vie, à la mort. Les durs un jour, les durs toujours. Donc, c'est bon pour moi. Attends, si on loupe, on peut retenter 10? Ah non, non. Vous avez droit qu'une seule question à 10 points. Donc là, autant les autres, vous avez le droit, mais pas. Alors. Allez, réfléchissez bien parce qu'il faut quand même arriver à 40 marches à la fin. Je la regarde. Alors si on a un doute quand même. Regardez les yeux. On fera le 5 quand même. On fera quoi? Le 5. Le 5 vaut 5, 3 et 1, vous pouvez le faire comme vous voulez. Hein. Je pense. Attends, hein. Trop tard. On a choisi, on a dit 10, c'est ça? On reste sur le 10. Je mise tout sur toi, là, Fred. Hein. D'accord. Mais, faut pas compter sur moi. Hein. Vous connaissez les 7 péchés capitaux? Oui, moi je. Il y en a un dedans. Hein. Je serais vraiment. Et soyons quand même. Alors, soyons à la hauteur. Il est dur. Des attentes de nos auditeurs ce soir. Ah. Jouons simplement, mais avec bienveillance. Nous jouons pour 5 points. Ah, voilà, c'est mieux, c'est raisonnable. Merci. Allez. Merci Fred. Mais Agathe était inquiète, je l'ai bien senti. Oui, vous me faites peur là. Comme ça, on allait lui enlever 10 points. Alors, 5 points, c'est ça, on a bien dit ça. 5. Je regarde. 5. C'est Mike qui valide, hein. Il a tiré la carte. Ah oui. Ouais. Attention. 5 points, Mike. Oui. Attendez, je me remets sur ma question. Faut trouver la question déjà. Moi, le truc. Tarte tatin. Non, non. Oui, non, mais alors, le truc, c'est que c'est sur les émissions, mais juste un truc. Ça peut être sur des génériques, hein. On est bien d'accord. Des génériques, des voix, des choses comme ça. Ah, c'est Benoît qui a fait les questions. Moi, j'ai rien fait. Ouais. Niveau questions. Est-ce qu'on a droit à une seconde chance en cas de mauvaise réponse? Non. Allez, vous êtes prêts? Ah, bah oui, on est prêts. Alors, non, dans, dans quelle émission sommes-nous? Bah, l'Académie de l'Académie. Beaucoup moins de suspense. Ah, pardon. À 104 km de l'arrivée, attaque de Pogacar, suivi par Juan Ayuso l'Espagnol et Isaac Del Toro le Mexicain. À une 60aine de kilomètres, Pogacar s'isole, personne ne le reverra. Il conserve ainsi sa couronne, glanée l'an dernier après une folle échappée. Une première depuis 2020 et 2021 d'un certain Julian Alaphilippe. Bref, une année riche en émotions et un flash bien rempli qui vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Alexis. J'ai presque l'impression d'avoir fait partie du peloton. Est-ce que ce n'est pas multisport? Non, bah non. Ah, pas multisport. Alors, multisport. Multisport, Mike. Merci, David. Mission sur les stores. Ça parlait de quoi? Bah, de... L'histoire, un peu d'histoire, un peu de... Pas l'histoire de... Hein? Non, non, j'aurais dit non, mais peloton, c'était le blague sport. À la fin. Non, non, c'était... Rien à voir, peloton. Est-ce qu'on pourrait nous, est-ce qu'on pourrait nous la réécouter? Oui, allez. Écoutez bien le début, parce que vous étiez... Voilà, c'est ça. Chez les hommes, le lendemain, beaucoup moins de suspense. À 104 km de l'arrivée, attaque de Pogacar, suivi par Juan Ayuso l'Espagnol et Isaac Del Toro le Mexicain. À une 60aine de kilomètres, Pogacar s'isole, personne ne le reverra. Il conserve ainsi sa couronne, glanée l'an dernier après une folle échappée. Une première depuis 2020 et 2021 d'un certain Julian Alaphilippe. Bref, une année riche en émotions et un flash bien rempli qui vous dit à la semaine prochaine. C'est normal qu'on ne connaisse pas les noms. Merci Alexis, j'ai presque l'impression d'avoir fait partie du peloton. Alors, on a parlé d'Alexis, hein. C'était oui, Alexis qui parlait et c'était d'une demoiselle qui animait. On ne connaît pas les noms. Si, vous avez reconnu des noms quand même de ce qui était cité. On parlait de quoi? Mais aucune idée. Aucune idée. Alors là, aucune idée. Moi, j'ai parlé sport tout à l'heure. Oui, on parle de sport là. On est bien d'accord. Et on parle de quoi? De vélo. Du vélo. Voilà. Cyclisme. Du Pogacar quand même. Ah oui, oui. Pogacar, le champion du monde. Pas le nom de l'émission. Évidemment. Toi, t'as dit. Oui, multisport. Multisport. Multisport. Bah, on parle là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres émissions de sport? Alors, c'est ça la question. Il y a, évidemment, il y avait ça. Il y a multisport, il y a aussi top. Alors, je ne veux pas vous aider. Un peu. Mais aide-nous. Il pourrait y avoir un piège. Ah. Est-ce que ce n'est pas un flash info? Waouh. Non. Oh, j'aurais pas été. Là, ce serait. Non, mais bon. Là, ce serait. Bon. Non, là, ce serait non, très vicieux. D'accord. Là. Okay. Ce serait très bien. C'est bien une émission. Alors. Peut-être à la tonalité, si ça peut vous aider, la tonalité un peu de la voix. Ah, menu étudiant peut-être. Il parle de un peu de tout dans menu étudiant. C'est ça. Oui. Oui, mais là, ça aurait été vicieux aussi de nous parler sport dans une émission qui s'appelle menu étudiant. C'est déjà arrivé. Ah bah ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais comme là, c'est le sport. On va rester sur le sport et je pense que ça reste dans le cadre d'une émission sportive avec une actualité précise. Ah, pas forcément. Bah, là, Benoît n'a pas l'air de. Ben là, c'est, j'essaie de vous aiguiller sur autre chose, n'y reviens pas, Fred. Il n'y a pas que dans. Moi, je dis menu étudiant. Ah, menu étudiant, alors par contre, ouais, ça n'existe plus en ce moment, menu étudiant. C'est que des émissions actuelles. Non, j'aurais pu aller récupérer des émissions anciennes, mais là, c'est pas. Là, je. Voilà, je. Je sais pas, la voisinade. Là, je vous aide plus, hein. Là, j'ai déjà beaucoup aidé. Mais c'est... Alors, est-ce qu'on peut avoir un indice? C'est une émission qui est diffusée actuellement. C'est quoi le nom? Non, alors, sans dire le nom. Mais est-ce que c'est une émission diffusée validez en votre week-end, réponse, vous aurez le nom après. En week-end, en semaine, qu'on puisse et au moins. Eh bien, les deux. Oh. Ben, je vous aide. Ça veut dire que c'est une émission qui est diffusée en semaine et rediffusée le week-end. Ou inversement, oui. Ben voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui sont diffusées. Hein. Ah, moi, j'ai eu la bonne réponse, là. Il a trouvé, ouais, Jean-Luc? Jean-Luc a trouvé la bonne réponse. Jean-Luc peut venir faire partie de l'équipe. Bravo, Jean-Luc. Mais bon, il joue pas. C'est pas cette semaine, Jean-Luc, pour les points. Attendez, il y a une équipe avec Jean-Luc. Oui. Non, mais ça, c'est de la triche. Alors, c'est vraiment de la triche. Ouais, on peut changer d'équipe. Les salariés vont jouer dans les équipes. C'est trop normal. Alors, moi, mais pas tous ensemble. Excusez-moi, je voudrais revenir sur le sujet. Voilà. Est-ce que c'est une émission diffusée? Et ça sera ma dernière question avant de donner éventuellement une réponse, même si elle est fausse. Elle sera comme elle sera. Est-ce que c'est une émission qui est diffusée en fin de journée, la semaine? Et notamment à 17h? C'est quoi à 17h? Je crois que c'est cette horaire-là, oui. Ouais. Oui. C'est quoi? C'est une question au hasard. J'ai sous les yeux, alors il y a un jour où c'est pas du tout vers l'heure là. Oui, mais il y a un jour, c'est 17h30. Et je cherche. Si, j'ai pu la grille sous les yeux, là je l'ai pas noté dans mes notes. Tu penses à quoi? Non, alors, excusez-moi, mais c'est pas je pense à quel titre d'émission, mais je me vois dans la voiture en train d'écouter Fadjet. Oui, c'est dans les heures où on est souvent dans la voiture. J'avais l'impression que c'était le retour de l'émission multisport, puisqu'il y avait une connotation sportive dans ce que j'entendais. D'accord. Donc... Ce n'est pas ça. Alors non, mais moi, pas ça parce qu'il est parti l'animateur de Multistore. Est-ce qu'on peut dire à Mike sur le sport? Mais oui, sport, Multistore. Mais il n'y a pas que dans cette émission-là où on parle sport. Bah oui. Il y en a dans d'autres. Bah, il est bloqué là-dessus. Moi, j'arrête pas d'aiguiller sur autre chose, mais il revient. Et toutes les émissions, ça fait pas multi. Je fais pas de piège, hein. Donc, il n'y a pas de piège. Donc, c'est pas une émission de sport, Fred. Faut te le dire en quel. C'est pas une émission de sport. C'est pas une émission de sport. C'est pour ça que c'était. Mais là, je pensais qu'avec la. Donne-nous la première lettre. La tonalité. Alors. Bon, oui. C'est une émission ancienne. Alors là, je ne dis plus rien. Ah, c'est une émission ancienne. Je ne dis plus rien. Alors, donc, c'est en fin de journée. C'est une émission ancienne. Charlie & Co. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, Charlie & Co. Non, c'est Charlie vieux, Charlie & Co. Non. Oui, c'est vieux aussi, Charlie & Co, mais c'est pas... Enfin, je dis rien, non. C'est pas ça, du coup. C'est une émission sur l'Europe aussi, mais est-ce que c'est pas ça non plus? Je vois pas le rapport, en fait. Ah, c'est ça. Je raccroche pas les wagons, en fait, avec ce qu'on a entendu. Non. Ce n'est pas le très en forme, puisque l'émission... Ça aurait pu être, oui. Ça aurait pu être dans le très en forme, ça aurait pu être dans Charlie & Co, puisque Charlie & Co, on pourrait très bien parler de sport, mais pas... Oui, non, c'est du sport. On les dit toutes, en fait. C'est local. Mais vous connaissez la voix de celle qui anime Charlie & Co. Oui, exact. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça nous a bien aidé. Bon, et pourtant. Non, mais là, alors le temps tourne, je ne veux pas dire, mais on avait choisi 5 points là. Oui, en plus. Bon, on les a pas. Et on les a. Non, on va les avoir. Et dire qu'il y en a qui voulaient choisir 10 points. Oui, tu as raison. Ça, je dis rien. Non, franchement, quelquefois, il faut écouter. Il faut oser, il faut écouter. Il faut tenter. Il faut écouter les jeunes. Oui, il y a un message dans ce qu'il vient de dire. Ah, il faut écouter les... Qu'est-ce que tu as dit, donc, comme réponse? T'as proposé quoi? J'avais dit menu étudiant. Allez. Menu étudiant, moi je dis menu étudiant. Allez, c'est la meilleure bonne idée. C'était pas par jeune blague que je pensais. Est-ce que c'est pas une émission qui est diffusée le mercredi vers 17h30? Mais non, mais... Vas-y, dis, qu'est-ce que tu penses? Quel titre? Vas-y. Quelle émission? C'est quoi? Alors... Il n'a plus le nom. T'as plus le nom, c'est comme collectif métissé. Il y a trois mots. Laisse tomber les problèmes. Là, on est dans les problèmes. Est-ce que c'est le podcast Charlotte? Non, ils sont trop jeunes. Non, ils sont trop jeunes. Alors, je devrais. Europe and Roll. Voilà, c'était la mission que je cherchais. Ouais, ah oui. C'est pas Europe and Roll. Non, c'est pas ça. Pourquoi pas? Il faut valider une réponse en tout cas. Il est 33, il vous reste 20 minutes. Donnez-nous. Est-ce qu'on peut, parce que c'est la première, on essuie les plâtres. Est-ce qu'on peut. Je vous ai aidé. Combien de fois là, j'ai bien. Là, vous étiez parti sur. Là, on allait faire toutes les émissions de sport. Vous alliez valider une émission de sport. Est-ce que l'émission Europe. Qui a tiré la carte d'ailleurs? C'est Mike. C'est Mike qui donnera la réponse. Qui donnera à valider. Mais est-ce que c'est l'émission. On fait chacun une proposition à Mike et c'est Mike qui choisit. Oui, vas-y. Alors, ouais. Sinon, on est encore là à 19h. Hein. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit quoi comme nom? Moi, je propose Europe and Roll parce que c'est ce qui me parle le plus. Bah, allez. Et ben voilà, on va aller ça. Ouais. Oui. Mais je veux pas avoir la responsabilité de la réponse. Ouais. Hein. T'es d'accord? Alors. Ils sont compliqués. Hein. Alors, je suis d'accord avec la question. Tu valides Europe and Roll. Tu reviens pas sur une émission de sport, non? Non. De store. De store, voilà. Multistore, ouais. C'est votre réponse? Oui. C'est mon dernier mot. Oh. Ah. Vas-y. Oh. Ah. Vous vous connaissez peut-être cette musique. Eh oui, Europe N'Roll est de retour. Europe N'Roll, c'est l'émission des étudiants du campus de Sciences Po Nancy. Mais c'est avant tout une émission pour combien de temps pour cette question vivre l'Europe autrement. Chaque semaine, embarquez avec nous pour explorer les grands enjeux européens, décrypter l'actu et entendre les voix d'une jeunesse curieuse, critique et engagée. Alors notez bien, c'est tous les dimanches à 13h et les lundis à 17h. Prenez place, tendez l'oreille, car Europe N'Roll est de retour. Et oui, et c'est la voix de Manon qu'on entendait là certainement, et la voix de Manon qu'on entendait aussi avec le fameux, j'aime plus comment il s'appelle. Alexis. Alexis. Alexis. Voilà, et j'ai trouvé bon en équipe. Hein, c'est ça. Effectivement, et bravo. Bravo jeune, c'est toi que je pensais à toi, jeune dans la radio. Je suis la plus jeune. Voilà. Oui, mais voilà, parce que moi, tu as sorti l'émission européenne. Ouais. Parce qu'il y a. On a les 5 points. Voilà, donc 5 et 6. Ça fait 11. 5 et 6. 11. 11. Juste les marches. Ouais, 11. Je pense que là, allez. Ah, là, on est chaud, là. Une à 10 points. Là, ça y est. On prend la confiance, là. On y va, là. Là, on a une. Il faut être stratégique, là. Il faut atteindre 40 points. Donc, avec 3 et 1, on peut pas y aller beaucoup. Il nous reste plus beaucoup de temps. C'est ça. Il vous reste moins de 20 minutes. Est-ce que parce que c'est la première et qu'on essuie les plâtres, est-ce qu'on peut déborder minutes. Un peu jusqu'à 22h? Non, bah non, parce qu'après il y a le gars qui fait alors, le 40 va chercher qui les 10 points. Allez. Bah, le gars du haut de 40, on lui dit de repasser demain. Oui, c'est ça. Allez, donc on est 11 points, on continue. Ouais. Alors c'est à maintenant Fred qui va choisir. Voilà, il reste les bonnes questions. Hein. Solidarité, insertion. Tout ce qu'il aime. Ou culture. Tout ce qu'il aime, Fred. Il y a culture, hein, on est bien d'accord. Il y a culture, oui. Solidarité. Oh oui. Question solidarité. C'est pour Fred. Alors, bien sûr. Combien de points? 3. Combien de points? Oh bah là on va prendre 1. Ah, moi je dirais 3. Vous les perdez pas les points. Mais oui, on les perd pas. Donc vous pouvez prendre enfin, les 10. Non, mais bah, ça dépend de vous. Mais réfléchissez, il reste 15 5. Minutes. Alors 5, on fait 5 si on veut. Ouais, on fait 5. Ah, oui. Qui... Non, alors, ça, on garde la 10. Alors, excusez-nous, on discute entre nous. Qui est bon sur la solidarité? Moi je suis bon en Europe, en tartatin. Tu vois, il découvre plein de sujets où il est bon. Pardon, non mais. Je prends la confiance, c'est pas bon. Mais si on les perd pas, autant faire 5. Bah oui. Tu vois. Bah oui, prendre 5 à chaque fois. Ouais, si on les perd pas. Il n'y a pas d'intérêt. Non, vous ne les perdez pas et 5, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Ok, 5 et si on gagne, on prendra 10. Pour la prochaine. Alors, la question. C'est une question de solidarité, mais pas sur Fadjet, d'ordre général. Ah. À New York, l'association solidaire Dress for Success distribue gratuitement des costumes. Pourquoi faire? Pour habiller les clochards. Oui. Par contre, c'est les. Pour habiller les gens de la rue, pardon. Les clochards. Oui, excuse-moi de la mauvaise appellation. Oui, pardon. T'as raison. Je m'excuse de ce mauvais terme. Ouais, moi, je suis d'accord avec. Mais c'est pour les gens. C'est pour les sans-abri, voilà, ouais, pardon. Sans-abri, voilà. Ouais, pardon. C'est les sans-abri. C'est pour les habiller, pour que. Ils prennent confiance. Exactement, parce que comme le vêtement, c'est quand même une. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ils donnent cette possibilité à aider les gens à s'habiller et à aller chercher un emploi. Dignement, voilà. Je suis d'accord, je valide. Voilà. Pour 10 points. On est bon. Donc on a fait ça pour 20 points. Hein. Et il n'y a pas aussi un petit quelque chose en plus? C'est... Ah, okay, un petit complément. Ah, il manque. Pour avoir une assurance en soi? Non, alors. Non, oui. Est-ce que pour la tenue, déjà, est-ce qu'on est bon? Alors, oui, ils les habillent, mais pourquoi faire? Ah, pour passer des entretiens d'embauche. Pour aller chercher de l'emploi. Et vous, pour, vous validez ça? Ah oui. Moi, je valide. Non, s'il pose la question, ça veut dire qu'on n'a pas donné la totalité de la réponse. Oui, c'est qu'on est bon, justement. Ouais, moi, je dis, je valide. Il veut vite valider. Donc. Ouais, bon, je suis d'accord avec moi-même de valider. Oui, j'ai vu dans psychologie. Le livre, c'est alors, la psychologie. Étant donné que c'est à moi à valider. Valider. Je connais Benoît par cœur. 19h38. C'est ça, 19h38, c'est là. Roi dans les yeux, mon cher Benoît. Oui. Mais dépêche-toi parce que tu perds du tout. Oui, allez. Mon dernier mot. Oui. Benoît. On habille. Je valide. Tu valides. Bravo. Vous êtes passé à côté de 10 points. Oui, à chaque fois on passe à côté de 10 points. L'air de rien, oui. Ils vont pas la jouer les 10 points. Ça fait 16, hein. C'est bizarre, on n'a plus le choix. Ça fait 16, c'est la prochaine. On peut venir une prochaine fois pour. Les 10 points. Non, on va jouer les 10 points là. 10 points la prochaine fois. Elle va se mettre dans plusieurs équipes. Parce qu'on va les écraser. Ouais. Allez, donc. Est-ce qu'on est bon? Il reste deux catégories, on recommence, c'est à toi. Hop. Hop. Il n'a pas de bonne en plus. Non, bah non, pas les 10 points. Non. Et si on épuise tout le deck des questions, des thèmes après, c'est comment? On va rester sur 5. Ouais, c'est bien, 5. Question insertion. Non, j'en ai plein. Non, après, on fait un tour. On les remet tous. On perd du temps. Vite aller pendant. Allez, pêchez-vous. C'est le prochain tour. L'actualité n'attend pas. 5 points. Agathe, qui tient. Voilà, facile. Ah oui, facile. Ça va aller vite. Je veux une réponse tout de suite et on valide. Chaim. Quelle était l'adresse de Fadjet à sa création? Alors là, c'est facile. Là, c'est facile, mais excusez-moi, je suis resté bloqué sur le 47 rue Charles III. Excusez-moi, c'est pas beau, mais en même temps, moi, c'est 47 rue Charles III. Oui, bah, ça. Mais avant. Ah bah avant. Mais 47, c'est l'adresse de maintenant. Oui, c'est maintenant. Je sais y aller, mais je connais. Non. Tu es jamais allé, frère? Non. Non, t'as pas connu? Pardon, alors je suis un ancien, mais j'ai toujours connu Fadjet ici, excusez-moi. Excuse-moi. Moi je pensais que ça allait. Ah bah non, mais. C'est mort, on passe à la suite. Non, mais l'adresse actuelle, je vais te la donner. 35. Alors, on l'a dit c'était plein de fois. Rue Saint-Nicolas. C'était où la radio avant? Mais non, avant c'était des... même rue, mais c'était, oui, pas c'était le où? Même numéro. C'était, ah, c'était au-dessus. Mais non, c'était juste, ah bon, là. C'était où? En bas. Là, en bas. Oui, bas, bah, ça dépend. En bas, par la gauche, enfin la droite d'Agathe. C'est très radiophonique. Là. Oh, c'est ça. Là, alors, il y a l'église Saint-Nicolas. On était de quel côté de l'église? Là, on est en du côté. En face ou à côté? Non, ouais, à côté, à on côté. Était côté gauche. Côté. Là, je vous ai de trop, je peux rien dire. Là. On est, non, on était côté gauche, en bas de la rue. 45. Alors là, si on était au 40, on était au 49. Non. On est au 49. 37. Là. 37. 37. Ouais. 37. Ouais. Donc là, on était où avant? Bon, on était au 35. Non. Ben non, le 35 est au-dessus. 49. 49. Non, 49. Il s'est trompé, c'est ça, c'est 49. C'est 49. 49. Moi je valide. C'est toi qui valide. 49. On te fait confiance. Bah oui, c'est 49. En plus, je vous le dis. En plus, je l'ai la vie. C'est pour ça qu'il était mort de rire en fait. Je me trompe. 36. C'est ah, oui. Je pensais que ça allait. C'est juste on à côté. Attend de finir le tour. Allez, question suivante. Ouais, allez, va. 5 points. On se diminue. Bah, il reste une question du coup. Bon, voilà, je vais la choisir. Hein. Donc tu choisis la question. C'est toi. C'est moi qui choisis. Culture. Très bien. Alors, on met le paquet question ou bien culture. Vas-y. Non, on met le paquet. 10. Ok. Prenons des risques. 10 points pour la culture. 10 points, on y va. On est à combien là? On est à. Il est dur. 21. 21 pour arriver à 31. Ouh là là. Attention, donc il y a 10 points la question culture. On y va, c'est parti. Oh, je voudrais pas être à ta place. Oh. Et c'est une question série. Oh là. Ah, oh, la pression. La pression est sur Sylvain. Eh ben alors là, attention. Oui. Quelle série se déroule principalement à Westeros? C'est pas la petite maison dans la prairie? Non. Westeros. Ah oh, si. Même Mike. Je pourrais miser aussi sur Mike. Westeros. C'est une. Retta's Wives ou quelque chose comme ça? Non, c'est Westerline. Non, Westerline. Ouais. Attention, on a joué 10 points. Putain. Game of Thrones. Ça demande du temps. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, le game. Ouais, c'est une série que j'ai pas vue. Donc, si vous dites des noms, je vous dirai si je l'ai pas vue. T'as regardé Game of Thrones? Non. Moi, je pense à un truc genre Game of Thrones. Non, parce que moi, j'ai regardé ça. Ça m'a pas interpellé. C'est quoi? Tu peux rappeler le. Westeros, comment tu l'écris? Westeros. W-E-S-T-E-R-O-S. Westeros. Est-ce que c'est une série récente? Si. C'est une série qui n'est pas très très vieille, mais qui n'est pas récente non plus. Hein, qui a déjà oui, une bonne dizaine d'années. Ouais. Je pense que c'est... Une série américaine ou française? Non mais c'est bon, là, c'est pas un jeu de questions-réponses. Moi je dis c'est Game of Thrones. Oui, depuis le départ. De toute façon, on sait pas. T'as une intuition. J'ai une intuition. On a tous fait l'intuition depuis le départ. Ouais. Mais si je me trompe. Oui, à la seule différence, c'est qu'on joue 10 points. Oui, mais. Alors, moi je veux bien. Si l'intuition est bonne, Fred, si ça c'est bon. Et il reste 8 minutes. Est-ce que tu es sûr de toi? Non, pas du tout. Bon. Alors là, on est un peu dans la mouise. Mais on n'a pas d'autres idées, il reste 8 minutes. Il n'y a pas d'autres idées et j'en ai regardé un paquet des séries. Oui, pardon. J'ai pas vu Game of Thrones. On va appeler un auditeur. Non, le bateau coude, on a de l'eau jusqu'aux bottes. Parce que si on perd les 10 points, on ne peut pas rejouer 10 points avant. Non, c'est la seule question. C'est fini. C'est mort. Oui, mais si on n'a pas la réponse. Non, alors, on va y aller par pédagogie. Ah. Donc, qui dit pédagogie dit on va procéder en élimination. Oui. Game of Thrones. Ce n'est pas la prison d'après. Non, je ne suis pas sûre du tout. Je dis juste que ça me paraît être un nom de fiction. Game of Thrones, c'est de la fiction. Oui. Et c'est le plus connu. Et je pense qu'il ne ferait pas des trucs trop niches pour ne pas nous perdre. Et donc, question de logique. On peut poser. Et là, je m'adresse en tant que représentant de l'équipe Les Durs. Faites ce que vous voulez, mais il reste plus que quoi, 7 minutes. Il reste 7 minutes et 27 secondes. Est-ce qu'on peut poser une dernière question avant de donner notre réponse? Est-ce que c'est Game of Thrones? Alors, Fredwick, quelle est ta dernière question? Mais la dernière question, est-ce que c'est une série qu'on a pu voir uniquement et exclusivement sur Netflix? C'est chaud, ça. Non. Hein? Non, parce que Je pense que c'est Game of Thrones en vrai. Non, parce que Game of Thrones, tu peux voir sur Netflix ou ailleurs. Ouais. Je ne vais pas vous presser, mais il reste moins de 7 Allez, minutes. Ça vous dit, on va. Même si. Ouais, moi, seule bonne idée du groupe. Alors, Fred n'est pas du tout. Fred n'est pas du tout convaincu. Est-ce que t'as mieux? C'est ça le problème. On ne trouvera pas. On trouvera pas. Est-ce que t'as mieux, Fred? Est-ce que tu connais d'autres séries qui pourraient. C'est la première idée que je trouve. Il avait dit la petite. Collectif métissé. T'es bon. Oui, c'est le début. Allez, allez. Allez, on y va. Tu valides? Et attention, attention. Ouais, c'est beau. Eh, c'est pas du talent, ça. Ça c'est vrai. C'est une équipe assez formidable et on n'aurait pas pu faire mieux. Tain, bravo. Et sans idée. Faute. Un sans faute et à l'instinct. Vous avez tous eu votre moment de gloire. C'est vrai. Alors, de gloire. Je voudrais juste m'adresser aux autres. Ils sont morts. Soyez courageux pour passer après nous. On a mis la barre tellement haute. Ah oui. Alors attention, attention. 31 points. 31, il reste 9 points. Il faut faire 9. 10 9, points. Allez. Alors comment on fait 9? 2 de 5. Eh ben, on peut pas, on peut dépasser. Eh ben, c'est simple, on va prendre 2 de 5. Hein, comme ça, on est à 10. Et comme c'est pas possible. Il faut faire 9. Ça soit. Ah, faut 9 piles. On le savait pile. On est victime de notre succès. Il faut faire 40 piles. Bon, on prend 5 tout de suite. 5. Allez, 5. On fait 5. On est parti. Allez, on recommence. On est chaud. Allez, on est chaud. Les vidéos sont là. Allez, Fred, on est Fred. Fred. Allez. Fred et après Mike. Hop là. Solidarité. Musique. Allez, on y va, on accélère. Question musique. Allez, hop, à l'instant. Alors, 5 points, c'est ça? Oui, 5. 18. Qui chante? Alors. Attention. I left my heart at a watering hole somewhere in small town Ohio. Headed out west to Arizona, cause the east coast winds are cold, cold, cold. Easy come, easy go. I got a fast car with the 90s on, not a soul on the road, but the road is home. Smiles for miles, all up on my face. Qui ça? Moi je dis Shania Twain. Ouais, là je suis parce que j'ai pas reconnu moi. Alors en plus, c'est une chanson que je n'ai jamais passée dans Multitube. Oh, t'aurais pu, elle est plutôt entraînante. Oui, non, tout à fait. Non, mais hein, exactement. Alors, il va la passer la semaine prochaine. Ah oui, c'est prévu. Un peu country, ça me fait penser à toutes les émissions de country qu'il y avait une époque à Fadjet. Oui. Papayan, on pense à Pierre. Voilà, toutes ces émissions de country qui ont fait la jeunesse de Fadjet. Voilà. Moi, je pense à Alanis Morissette, mais je suis pas sûr qu'elle ait sorti des titres récemment. Si elle avait sorti The Reason Why I Drink récemment, parce qu'il me semble qu'elle est revenue sur le devant de la scène il y a 2-3 ans quoi. Mais c'est un peu vieux là. Ouais. Mais par contre Shania Twain elle est revenue. Mais ça ressemble à du Shania Twain. Ouais, attends, c'est tu pour le ça, dis. Ça m'a fait penser à du Shania Twain moi. On valide et il nous reste. Allez, on valide. On valide. On valide. Il faut aller à 40. 5 points. Allez, on y va. Allez. 5 points c'est bon. C'est bon. Oui, tu valides. Allez, on y va. Mais je m'admire en fait. C'est beau. Je m'admire. J'adore. C'est vrai que tu trouvais. C'est vrai que Agathe est redoutable. L'équipe. Mais oui. C'est Agathe qui trouve tout. Agathe a dit. Franchement, tu sais quoi, c'est Agathe, le girl power, Agathe. Hein. T'adore. Alors, il vous manque 4 vraiment. Points. 4 et points. Il reste 3 minutes 4 30. Donc, allez, une 3, une et 1. Voilà, c'est ça. Allez, on fait la 3. La 3, allez hop. On fait la 3. C'est parti. C'est à Mike de tirer la musique. C'est à moi. Hop. Là. Émission. Émission. Émission, allez. Émission, alors, vous la prenez à 3. Question émission. 3 points. 3 points. 4 points du succès. Eh. Incroyable. Attention. Attention. Quelle est la thématique abordée par l'émission Réseaux sociaux? Eh bien, c'est. Alors, les réseaux sociaux. Il y a un piège. C'est tout réseau, ce qui est... réseau, donc comme un réseau, R-E-S-E-A-U-X, socio, S-O-C-I-O-S. c'est tout ce qui concerne la sociologie, mon ami. C'est tous des sujets de réflexion dans le monde de la sociologie qui anime et qui peut interpeller les auditeurs. Eh ben, je valide, moi je te suis. Pareil, allez, 3 points, c'est pris. Bah, je pense que Fred, il a tellement bien dit que. Ah oui. Voilà. Ouais, t'avais l'air il trop était inspiré. Toi, non, oui, mais parce que j'adore cette émission. Eh ben, allez. On y va. 3 parti. Points. Vous êtes sûr? Oui, ah, sûr, oui, sûr à 1000%. Vas-y, allez, on n'a pas, le temps, allez, on y va. Allez, passons à les 3 points, hop. Oh, le premier échec de la soirée. On enchaîne. À 2 minutes 20 de la fin. Il faut qu'on y aille. C'est une émission sur l'ASNL. Il y a un podcast sur l'histoire de l'ASNL, des anecdotes, des interviews, des parties prenantes. Moi, c'est un club, parce que un club de supporters qui s'appelle les Sociaux. D'accord. Oh, bah, d'accord. Bah, d'accord, okay. Bah, leur nom est nul. Alors, ok, très bien. Désolé. Moi, je connais le basket. Bon, je suis le basket, c'est tout. Allez, allez, on se dépêche. C'est parti, Peu importe, on y va. On y va, on y va. Allez, vas-y, on s'en fout. Celle-là. On s'en fiche. Cuisine. Allez. Ah, merde, ça va être pour moi. Bon, vas-y. Oh là là, on n'aura pas les 40. Question cuisine. Elle est dure celle-là, pardon. Oh non. Vas-y. Quel fruit est nommé le roi des fruits? L'ananas. Ça c'est compliqué. L'ananas. C'est un peu, je pense. Ok, l'ananas, vas-y. Non, le roi des fruits. Pardon, le roi des fruits. Ouais. Est-ce que c'est pas la banane? Pourquoi? Bah parce que le roi de la jungle. Et c'est quoi le rapport? Bah, je veux dire, roi de la. Non. Je vois l'image, je valide pas, non. Non, tu valides non. pas. L'ananas, c'est. L'idée était belle. C'est très compliqué. Parce qu'il a une couronne. Je sais pas si vous le connaissez. Non, non, alors, on va donner, parce qu'il nous reste 2 minutes. Non, mais attends. 1 minute 15. Non, non, mais attendez, vu qu'on était les premiers, comment tu dis, on a essuyé. Oui, mais bah, on n'a pas le temps de discuter. On mérite un petit bonus de temps, moi. Répondez, je peux dire la papaye répondez, ou ce que tu veux. Moi, mais... je dirais. Moi, je dis l'ananas. Ouais, l'ananas. On y va, c'est parti. Ah, puis il a déjà fait. Oh là là. Non, c'est le durian. Le durian. Oh, c'est quoi, ça? Le quoi? C'est un fruit qui pue. Mais bon, on s'en occupera plus tard. Un fruit qui pue quand tu l'ouvres. Non, mais c'est vrai, c'est un fruit asiatique. 4 secondes, une autre question. On enchaîne. Un fruit tropical. Bon, d'accord. On y va. Allez, n'importe quelle question. Vas-y. Allez, tire la carte, on y va, c'est parti. Solidarité. 3, vas-y. Question solidarité. Facile. Quelle association fondée par l'abbé Pierre aide au logement et à l'insertion? Emmaüs, on est tous d'accord. Emmaüs, c'est parti, 3 points. Un point. Là, on est à 1 point. Il reste 20 ans. Allez, hop, on y va. Hop, c'est parti. Culture, c'est parti. Allez, on y va. 1 point. Allez, on y va. C'est la dernière question. C'est la dernière. Quelle planète est surnommée la planète rouge? Mars. Oui, on y va. Vas-y. Oui, c'est Mars. Mars. Ouais. Bien joué. Alors, cette équipe. Alors ça, c'est excellent. Bravo. Ça fait pile 50 minutes. La sonnerie, oui, en plus elle avait mis la génial. Bah, 40 minutes, c'est 40 minutes. Génial. Ça sera minutes, pour tout le monde pareil. 40 minutes, oh, hein. Je tiens juste, Solène, à vous remercier parce que c'était un moment de pur bonheur avec une agitation incroyable. C'est vrai. Ouais. Et on est les dernières minutes, c'est et tout on est les durs. On a gagné. Bravo, ouais, bravo. On est les meilleurs. Ouais. Et maintenant on chante. Eh ben, on chante. Alors vous voulez chanter quoi? Je pars, je reste, la chanson de Charles Doré. Je connais pas. Miley Cyrus, End of the World. Oui, bah. Nouveau jour de Hoshi. Je connais pas. En haut des marches, donc c'est le de M. Pokora qu'on a écouté tout à l'heure. La chanson de Fadjet, notre radio demain. Ou la chanson Ciel de Gims. Non, la chanson de la radio. Ouais, Fadjet, la chanson on y va. De la radio. Voilà. Oui, ouais, c'est parfait. Allez hop, alors attendez. Tu peux me rappeler, s'il te plaît, la chanson de la radio? C'est dans les. La chanson des Enfoirés. Notre radio demain. Et numéro 24. On a gagné. Le monde en de tout demain. Cas, on a gagné. Et les autres ont intérêt à s'accrocher. Les gars, moi, franchement, je vous dis. Pression, là. Non, je vous dis un truc. Quand on est bon comme ça, il faut pouvoir le dire parce que nous avons marqué les 40 points. En 40 minutes. Je m'adresse à l'équipe de la semaine prochaine. Ils sont combien la semaine prochaine? Ils sont 4 ou 5? 4. Oui, non, alors la semaine prochaine. Pas besoin de. Ils auront pas. Prenez des vitamines à partir de demain. Ou embauchez-nous, peut-être, comme mercenaires. Oui, exactement. En tout cas, propose mes services pour pas très cher. J'ai envie de dire. Rendez-vous à la finale. Ouais. Exactement. Voilà. C'est ça l'Académie Fadjet, c'est donner la possibilité, avec élégance, de pouvoir marquer des points et monter le sommet des marches. Voilà. Et moi je dis ça. Iront en finale ceux qui auront 40 points et qui auront marqué les 40 points en moins de temps possible. Mais nous, ça y est. Voilà, maintenant, effectivement, il faut qu'ils fassent moins de 40 minutes. Ouais, alors, après, moi, je trouve que c'est pas juste qu'il y ait des employés dans d'autres équipes parce que nous, on n'a pas d'employés. J'ai essayé. Donc. Franchement, Non, mais ne t'égare pas. Nous sommes sur la route de notre succès. C'est vrai. Allons gagner. Nous sommes bienveillants. Voilà, ça ne les aide pas en cuisine non plus. Non. Voilà. Merci à la Terre Satan. Merci à Collectif Petit. À tout le monde. Merci à Game of Thrones, les stores. Merci à vous parce que, comme première équipe, vous avez été excellent. Collectif. Vrai collectif. Ah oui. Pour aider une équipe qui s'est vraiment découverte. Comme ça, par hasard, quand on nous croise en ville, comme ça, on dit tiens, la Ligue. On est connus. Bon, voilà. Allez, donc, comme le veut la tradition, à la fin de chaque académie, l'équipe chante une chanson. Et là, comme elle a atteint la 40e marche, elle a choisi de la chanson de la radio, notre radio demain. Voici l'instrumental et je vous donnerai le top si vous souhaitez. Et c'est parti. On a passé du temps sur Fadjet dans nos vies. Un peu de frime en moins et de la vie en plus. Fallait qu'on se protège, qu'on évite les pièges. C'est ce que Guy nous a dit. Et on a réussi. On s'est déjà tous égarés sur le chemin. Mais ici y a toujours quelqu'un qui te tend la main. Il fallait qu'on nous dise. Rien ne peut nous briser. Si on avance ensemble, il fallait qu'on se rassemble. Et on aura des doutes, ils font partie de nous. Fadjet a pris des coups, mais elle tient debout. On poursuivra notre radio demain. On ne sera pas toujours d'accord du moment qu'on s'aime encore. On poursuivra notre radio demain. À nous d'échanger le décor. Ensemble on est bien plus fort. Plus fort. Déjà 40 ans d'infos, d'humour et de musique. Des matinales au nocturne, rock, funk ou jazzy. On restera tous solidaires. Sans jamais oublier que le chemin est long. Avant de faire pour de bon, on nous dit tellement de fois que l'on est fou d'y croire. Mais si l'on n'y croit pas, dites-nous qui le fera. On poursuivra notre radio demain. On sera pas toujours d'accord, mais du moment qu'on s'aime encore, on poursuivra notre radio demain. À nous d'échanger le décor, ensemble on est bien plus fort, plus fort. On sait comment faire, détruire les barrières, ne plus jamais se taire. Mais si on le fait ensemble, on sait comment faire. Faut détruire les barrières, et qu'est-ce qu'on sera fier. Allez, elle est dure. Et on poursuivra. Notre radio demain. On sera pas toujours d'accord. Du moment qu'on s'aime encore. On poursuivra notre radio demain. À nous d'échanger des corps. Ensemble on est bien plus fort. Plus fort avec les durs. Allez, dur. Voilà, il est 19h58 minutes. Merci les durs. Merci les durs. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Fabienne, merci entre à toi, autres. Merci à toute l'équipe de la direction qui nous a fait confiance et qui a voulu refaire partir cette émission. On va passer un très grand moment pendant 2 mois et demi jusqu'au mois de décembre. J'espère, peut-être les durs. On se donne rendez-vous peut-être le 18 décembre. Non, c'est déjà acté. Nous serons présents pour la grande bloqué finale. Nous avons marqué des points. Réservez votre 18 décembre. Réservez le 18 décembre. Même parce que si vous êtes en finale, si vous n'êtes pas en finale, vous viendrez supporter les équipes parce que ce sera en direct et en live. Quelque part à Nancy, on ne sait pas où encore, mais voilà. Grande fête de Noël. Réservez donc votre 18 décembre. Merci. Merci Agathe, merci Fred. Merci à vous. Merci Mike et merci Sylvain d'avoir répondu présent. On vous retrouve dans vos émissions respectives. Fred, c'est pour demain. Qu'est-ce qu'il y a demain au programme? Ah, demain, alors, comme c'est du direct, figurez-vous que je vous réserve une méga surprise, notamment des chansons soleil. Collectif métissé. Non, alors vous allez découvrir demain un programme musical d'enfer avec du son soleil, on en a bien besoin. C'est important. Avec des températures printanières, demain on a 18 degrés à Nancy. Le son correspondra à la température puisque Fadjet c'est plus qu'une radio. À demain. À demain. Agathe, lundi, qu'est-ce qu'il y a au programme de Wild World, Wild Girl? La rediffusion de mon émission sur le Cabaret Vert. Ah, très très bonne émission d'ailleurs, elle est là-dedans. Ah. Question en 10 points. Et ça sera pas pour vous. Mike, alors moi c'est pas mercredi prochain, mais ce sera le mercredi 22 pour l'année 1988. Voilà. Tu es suspendu ou comment ça se passe? Non, mais c'est pour les raisons de radio. Donc d'accord. Je suis en direct, parce que je suis en direct chaque mercredi de 19h à 20h. Et Benoît, c'est tout de suite. Moi, c'est tout de suite, oui. Sylvain, suite, à la semaine prochaine. Oui, normalement, Destination Série avec Laurent. Et voilà, moi je vous retrouve dans quelques instants. Je me change et je vous présente le Haut 40 dans quelques secondes. À tout de suite, très bon week-end.